faut qu'on fasse attention en tant qu'homme. C'est tout ce qui fait notre bonheur. En tant qu'homme de la cinquième race, allant vers la sixième, faut qu'on fasse attention à ce qui fait notre bonheur. Parce que c'est pas ce qui fait notre bonheur qui compte, c'est ce qui fait notre affaire. Parce que quand on est dans... on est élevé à ce qui fait notre affaire, on est bien dans notre peau. Quand t'as ce qui fait ton affaire, t'as pas besoin d'être heureux. T'es au-dessus de ça. C'est quoi la vie? C'est tout un astral, le bonheur. C'est de la galette à sarrasin. Mais quand t'es bien dans ta peau, t'es bien dans ta peau. Il est capable d'être bien dans sa tête, maintenant c'est un minimum de tension. Ah, super. C'est un minimum de tension. Exactement. Puis quand t'es tellement bien dans ta peau, là, quand t'es tellement bien dans ta peau que t'as plus de tension possible, là, à aucun niveau, automatiquement tu passes de l'autre bord. Finalement, le bonheur, ce que nous on appelait le bonheur. L'équilibre vibratoire. Bon, il arrive quelque chose. Qui aurait été un événement heureux, puis là, tu vois, tu le regardes, tu dis, ah, c'est une réduction des tensions qui sont autour. Tu ne le conçois plus en termes de bonheur, tu n'es plus capable. Non, d'ailleurs, je suis sûr qu'il y en a parmi nous autres qui ne sont plus dans la recherche du bonheur. Rien que la recherche de la paix. La crise de paix. Mais dans ta propre recherche d'harmonie, je veux dire, ta propre recherche de... d'un manque d'incohésion dans ton quotidien, d'une stabilité, là, d'une paix. Est-ce que le fait, par exemple, d'avoir de plus en plus de gens avec qui tu peux communiquer vibratoirement fait partie de ces obstacles à ton bonheur quotidien? Moi, plus tu vas avoir un certain nombre de gens autour de toi avec qui tu peux communiquer, plus tu as des gens avec lesquels tu peux communiquer, plus tu découvres la société anonyme. Plus tu découvres la société anonyme, plus tu apprends à connaître ce que tu sais, parce que tu entres dans un dialogue commun. Et plus tu balances la vibration de ton mental inférieur. De sorte que plus tu te déphilosophies, de sorte que plus tu entretiens avec toi-même, à travers les autres, l'énergie de ton mental supérieur. Ce qui t'amène avec le temps à vivre rien que de cette énergie-là, ce qui t'amène avec le temps de goûter rien que de cette énergie-là, puis d'être rien que dans cette énergie-là. Parce qu'une fois que tu sors de la recherche du bonheur philosophique, ou de la recherche du bonheur poétique, ou de la recherche du bonheur, tu as besoin de communiquer ce que tu es à d'autres qui ont les oreilles pour l'entendre. Parce que ce que tu es devient la réalité de toi-même. Puis c'est qu'au niveau de ta réalité que tu peux apprécier la précision de ta réalité. Puis quand tu apprécies la précision de ta réalité, quand tu réalises la précision de la réalité, quand tu commences à rentrer dans la pensée juste, quand tu commences à rentrer dans le mot juste, quand tu commences à rentrer dans ton intelligence, tu commences à comprendre les mystères de ta vie, tu commences à rentrer dans le mouvement de ta vie, tu commences à grandir dans ta vie, et ainsi de suite. Tu as besoin d'un miroir qui les autres. Les autres sont ton miroir. Jamais toi-même. Toujours les autres. Tout le temps les autres. Je vais vous donner une autre clé. Là, mon Amy Michaud va m'envoyer. Je l'attends. Plus tu es capable. T'es mieux de striker ça sur la cassette. Femme-là. Il dit qu'il n'y a pas un homme qui parle pour rien. Quand un homme dit quelque chose, il y a quelque chose. Seulement, les hommes ne voient pas ce que les hommes disent. Et les hommes ne voient pas derrière ce que les hommes disent. De sorte que les hommes, ne voyant pas derrière ce que les hommes disent, prennent seulement ce qui est devant. Ce qui est devant, c'est pas ça qu'ils veulent dire. C'est ce qui est derrière. C'est la vibration. Moi, c'est la vibration en lui qui m'amène à toujours dealer avec ce qu'il me dit d'une façon totalement mentale. Quand tu es dans la précision de l'intelligence, que ce soit lui ou que ce soit un autre, c'est toujours dans la perfection de cette intelligence-là que tu dois manipuler l'énergie. Autrement dit, le respect doit être donné à chacun parfaitement. Mais dans une condition où le genre de langage, comme celui qui entretenait tout à l'heure, ne convient pas à une position de mouvement général, il faut avoir une intelligence précise pour amener les deux ensemble. Une harmonique vibratoire. Ben, évident. Bernard, c'est évident. C'est là que les. C'est ça que les gens sont pas capables de faire encore. Mais avec le temps, ils en viennent à ça. J'ai parlé, mais avec deux personnes par rapport à ça. Et à un moment donné, commencer à se retirer. Puis moi, ça sortait de ça. Je le sentais le besoin. J'avais un besoin de parler. Ça sortait. Puis à un moment donné, je m'arrêtais. Je me mets une cigarette. J'avais une petite fille, elle me regardait. Je sais, je l'ai regardé. Dans la mémoire. Je dis, ben oui, à part de ça, je prends la mémoire. Ouais, mais quand vous dites que ça sortait tout seul, évidemment, ça sort tout seul. Parce qu'éventuellement, vous rentrez de plus en plus dans la vibration, ça sort tout seul. Seulement que ça ne sort pas parfaitement. Ça sort tout seul, mais ça sort pas parfaitement. Avec le temps, ça va continuer à sortir tout seul, parce que ça sort tout seul, mais ça sort de plus en plus parfaitement. Les gens me disent, les gens me donnent des raisons, ou des conditions d'expérience qu'ils ont. Puis, moi, je sais que ça sort tout seul. Mais c'est pas parce que ça sort tout seul que c'est parfait. Mais non. Comprenez? Mais c'est bon quand même, ça. Tout est bon. De dialoguer avec ces gens-là. Tout est bon. De parler avec. Tout est bon, mais ça fait toujours partie de l'expérience. C'est dans les. Ta relation avec les autres, c'est la relation que tu as avec eux autres. C'est-à-dire que plus ta relation est étroite avec ton ajusteur de pensée, plus tu es capable de voir ce que les autres veulent dire. Très juste. Ouais. C'est plus t'es capable. Ouais. Plus ta pensée est juste, plus t'es capable de voir. C'est ça la pensée juste. C'est le contact extrêmement étroit, fusionné, Chris, avec eux autres. Alors, plus la fusion est grande, plus l'intelligence est précise. Parce que c'est eux autres qui déterminent la relation qu'on a avec les autres. Oui, mais toujours selon tes corps. Ils peuvent pas, eux autres, ils peuvent pas se manifester plus parfaitement qu'ils peuvent. Sans ça, ça serait la fusion. Ah, c'est évident que s'ils fusionnent avec toi, mais là, tu vas les yeux grands comme des assiettes, puis tu vas passer par des changements vibratoires, puis ils vont t'amener où ils veulent au niveau de cette perfection-là. Mais si l'homme passe par une génération d'expérience avant d'en arriver à cette fusion-là, à ce moment-là, on a même oublié de passer par des expériences. C'est pour ça que je dis, tout ce que vous faites, c'est correct, mais tout ce que vous faites, c'est pas parfait. Voilà, la perfection de son sentiment, ce ne sera pas nécessairement dans la perfection de son intelligence. Tu vois la perfection de son sentiment derrière ce qu'il dit, derrière l'émotion qui est devant, mais c'est pas forcément dans l'intelligence. Oui. Mais tu es obligé de l'avoir. T'es obligé de l'avoir. Mmh. Pour moi, il n'y a pas un homme qui me dit quelque chose qui n'a pas quelque chose à dire. C'est pour ça que tu disais à un moment donné que quand on parle, c'est à ce moment-là que tu vois exactement où est-ce qu'on en est. Ouais. C'est quand. Ouais. C'est quand vous me parlez que je vous connais. Parce que l'énergie en arrière. Parce que c'est dans l'énergie que je mesure la vibration. Sans ça, je suis obligé de parler et de dire que c'est qu'ils aient. Mm-hmm. Ça serait une perte d'énergie. T'es pas intéressé à connaître quelqu'un avec lequel t'as pas un rapport direct. C'est quand t'as un rapport direct que c'est intéressant de connaître quelqu'un et parler sur quelqu'un ou en relation avec quelqu'un, ou non autour de quelqu'un, ou non en dedans de quelqu'un. Ou expliquer quelqu'un. Parce que quand la note est sur le jeu, tu ne peux pas répondre avec la moitié du rapport. C'est ça. Il faut nécessairement une interaction. Ouais. Ouais. Parce que moi, je ne suis pas intéressé au. Je suis pas intéressé à connaître le monde. Je ne suis pas intéressé à connaître lui ou à connaître elle. Seul. Au niveau de ma propre expérience. Je suis intéressé à l'amener, lui a une vibration, ou elle a une vibration, mais moi je suis pas intéressé à savoir, je ne peux pas venir chez nous et dire comment est-ce qu'il est peut-être personne d'avant, c'est pas intéressé. Les gens pensent que je fonctionne de même, pas fonctionne de même. C'est quand je vous rencontre que ça se fait à l'affaire. Tu réponds à une... instantanément, dans l'expérience de relation. Ça, c'est une perte d'énergie. Quand je suis seul, occupe de moi. Un peu spirituel d'ailleurs, ce qui était de penser à ses disciples quand ils n'étaient pas là. Bon, bon, bon, moi, je ne suis pas spirituel à ce point-là. Comme là, je rentre dans un cycle là, dans ces rencontres-là. Je rentre dans un cycle où j'ai une plus grande liberté de parler. J'ai une plus grande liberté de parole. C'est vibratoire. C'est moins différent. C'est plus le fun pour moi. Parce que les gens comprennent plus, là. Vibratoirement. On est moins poli. Ouais, vous êtes moins poigné. C'est moins obligé de passer par les mots. Plus par la vibration. Ouais, ouais. Parce que ce que je dis, c'est pas facile à comprendre. C'est bien facile à comprendre. Comprendre intellectuellement. Ouais. Plus je suis libre de parler, mais plus j'enregistre de vibrations dans l'esprit des gens. C'est là que ça se fait, cette affaire-là. Mais là, je veux retourner à l'affaire de manipulation tout à l'heure. Mais des fois, ils vont me faire dire manipuler les gens. Pour créer une petite vibration. C'est vrai? Quand on nous coupe la parole, les autres. Si vous m'aviez demandé là. L'intérêt vital. Je voulais savoir si y a quelqu'un qui va nous dire quel est notre intérêt vital ou si on doit la chercher ou si ça va venir tout seul quand on va. L'intérêt vital, c'est un peu comme une envie. Quand tu as l'envie, tu y vas. Quand tu n'as pas d'envie, tu y vas pas. L'intérêt vital, il y en a qui sentiront pas l'envie de ça. Voulez-vous donner deux exemples d'intérêt vital? Un exemple d'intérêt vital, disons quelqu'un qui veut écrire. Il veut écrire, puis il veut écrire. Il aimerait ça, il écrit. Mm-hmm. Il n'est pas capable d'écrire. Il passe pas le temps. Puis peut-être qu'il y a dans 6, 7, 8 ans, il va pouvoir écrire. Ça serait son intérêt vital. Ça sera son intérêt vital. Pour une période de temps. Pour une période de temps, oui. L'intérêt vital, c'est toujours. L'intérêt vital, ça change. C'est pour une période de temps. Une fois que tu rentres dedans, ça ne change pas. C'est fixe. C'est une période de temps dans le sens que ça va durer tant que tu vas être sur le plan matériel. Ça va être sur le plan matériel. Ouais, ça va servir à vivre, ça va servir à travailler, à faire quelque chose que tu aimes. C'est plaisant. Qui est dans ta vibration. On a-tu un autre intérêt vital quand on arrive sur un autre plan? Sur un autre plan, c'est pas d'intérêt vital. Sur un autre plan, c'est un travail purement créatif. Je pensais que c'était plus lié au pourquoi de l'âme dans la matière. C'est lié au pourquoi de l'âme dans la matière, seulement ça sert à l'expérience matérielle de l'homme. Comme moi, je suis dans mon intérêt vital. Ce que je fais, c'est mon intérêt vital. Seulement, je n'aurais jamais su qu'est-ce que c'était mon intérêt vital avant que je rentre dedans. Tu connais jamais ton intérêt vital tant que tu n'es pas rentré dedans. J'ai dit tantôt que pourrais avoir l'intérêt vital d'écrire, ça va être juste notre petit peu. Ouais. C'est dans mon intérêt vital de le savoir tout de suite, mais que je vais pas juste de l'avoir tout de suite et je vais pas. Non, tu connais jamais ton intérêt vital tel qu'il sera. Fait que tu peux avoir les. Tu peux avoir le désir d'écrire, mais dans 8 ans, tu vas faire quelque chose qui va être lié à ça. Ça va être lié à peut-être une manifestation de la parole quelque part, d'une certaine façon. Mais ça va être créatif comme l'écriture est créative. Ça ne sera pas nécessairement écrit. Parce que écrit, c'est simplement la forme en attendant qui cache l'intérêt vital. Mais ça va aller quelque part dans cette direction-là. Ou tu pourrais écrire des choses que tu penses. Tu peux pas t'imaginer aujourd'hui que tu vas écrire. Aujourd'hui, tu peux penser que tu vas écrire la science-fiction, puis dans 8 ans, tu vas écrire des romans occultes. L'intérêt vital, tu le découvres simple seulement quand c'est le temps. Quand on n'est pas dans un intérêt vital, c'est là qu'on sent notre âme souffrir. Quand vous n'êtes pas dans votre intérêt vital, vous en cherchez un. Jusqu'à temps que vous compreniez que vous n'avez pas à en chercher un. On cherche notre job. Fait que c'est... Pardon? On cherche notre job. Vous cherchez quelque chose que vous avez toujours voulu faire. Mais si vous faites quelque chose, si vous n'avez pas ce problème-là, c'est pas tous les gens qui ont le problème d'intérêt vital. Il y en a qui l'ont, puis il y en a qui l'ont pas. Ceux qui l'ont le sentent, c'est pas ça qu'ils veulent faire, c'est d'autres choses. Où ils sentent une forme qui leur permet de se sensibiliser à cette autre chose-là. Mais ils sont pas encore dedans. Puis ils savent pas qu'est-ce que c'est, puis ils le sauront pas tant qu'ils seront pas dedans. Tant s'il y en a d'autres, leur intérêt vital, c'est réellement une continuation de ce qu'ils font déjà au niveau de leur plan de vie. Est-ce que c'est ça l'intérêt vital qui est relié aux trois grands départements de Dallas Bailey, la politique, la science, la religion? Ça peut très bien être ça, oui. Ça peut être ça. Oui. Autrement dit, l'intelligence, la volonté, l'amour. Est-ce que ça dépend... Mais ça dépend du plan de vie de la personne. Parce que faut que vous compreniez une chose. Quand vous partez de Bailey pour comprendre des aspects du mystère de l'âme, il faut toujours le comprendre par le biais de la spiritualité du Tibétain. Et la spiritualité du Tibétain est une spiritualité universelle. Fait qu'automatiquement, c'est une spiritualité qui est liée au service de l'homme à l'homme. Et quand vous rentrez dans la conscience pure, il n'y a plus de service de l'homme à l'homme. Vous tombez dans l'acte créatif pur, qui devient un service à l'homme, mais qui n'est pas de votre part un service à l'homme, puisque vous n'êtes pas de la race de l'homme. Il faut que tu sois moindrement de la race de l'homme pour trouver une affinité au niveau du service de l'homme. Si tu n'es pas de la race de l'homme, tu ne peux pas vibrer au niveau du service de l'homme à l'homme. Mais tant qu'on n'est pas fusionné, on est tant qu'on n'est pas fusionné, on est de l'homme. Quand on est fusionné, on est de passage. Chez l'homme. Comme ici. Oui. De sorte que les conditions de l'évolution de l'homme, les conditions d'évolution spirituelle de l'homme, ne sont plus de notre intérêt. Mm-hmm. Parce qu'on fonctionne au niveau d'intelligence. C'est très centrique de l'intelligence. C'est terriblement centrique de l'intelligence. C'est très impersonnel de l'intelligence. C'est pour ça que l'intelligence n'appartient pas à l'homme. Mais tant que l'intelligence appartient à l'homme par le biais de sa spiritualisation, l'intelligence est humaine. Lorsqu'elle n'appartient plus à l'homme, parce que l'homme est en dehors de la spiritualisation, à ce moment-là, l'intelligence n'appartient plus à l'homme. L'homme est simplement un véhicule. Et alors, tout ce qui est rattaché au niveau de la forme ou de la valeur de l'intelligence, en relation avec le service de l'humanité, fait partie de l'illusion spirituelle de l'homme. C'est dur de sortir de cette illusion. Il faut avoir beaucoup souffert pour sortir de cette illusion-là. Tu sais, c'est un peu comme si on va dans l'eau. tu sors de l'eau, mais t'es encore mouillé. L'homme est un petit peu de même. L'homme va dans l'eau, puis il en sort de l'eau, puis il se conscientise, mais tout est encore un petit peu mouillé. Mais si l'homme était fusionné, il rentrera dans l'eau, puis il sortira, puis il ne sera pas mouillé. Parce que son intelligence est totalement prépersonnelle. Mais aussi qu'il est personnel un petit peu, il sort de l'eau, puis il est mouillé. Même si c'est un petit peu de mouillé, parce que c'est pas facile de vivre dans l'intelligence. C'est facile et c'est plaisant de vivre dans la connaissance de l'intelligence. Mais de vivre dans l'intelligence, c'est pas facile. Vous dites de ne pas vous suivre, là, de vous écouter, si je comprends ça. Est-ce qu'on peut, le temps que vous êtes avec nous autres, est-ce qu'on peut vous regarder de la manière que, en plus que ce que vous nous expliquez, là, de la manière qu'on vous voit fonctionner, est-ce qu'on peut vous prendre comme un... Là, vous allez me chicaner, si je dis le mot qui me vient. J'allais dire modèle, je veux dire archétype. Autrement dit, ce que vous nous enseignez, vous le faites. Est-ce qu'on va devenir comme vous on ne viendra pas aussi fusionner que vous? Non, ça, c'est des émotions que vous faites par les mains. C'est de la comparaison, c'est de la philosophie, c'est de l'humanité. La raison que vous parlez comme ça, c'est parce que vous ne vous connaissez pas. Si vous vous connaissiez, vous ne parleriez jamais de même. Vous vous insulteriez. Vous voyez, oui? Oui, je sais ce que c'est. Mais j'ai peur de me connaître. Ah! Pas de ça. Moi, je vais vous dire une chose. Je vous le dis, là. Ne marquez pas sur le texte. Ouais. Pourquoi c'est tes titres? Pourquoi est-ce que tu ne seras pas nulle part? C'est la question. C'est un jeu de l'esprit. C'est subtil. Bon, mais toutes les autres questions, Chris, le chien, choisit ça la même fois. Le chien ne se demande pas pourquoi est-ce qu'il est là. Nous autres, il faut qu'on se le demande. Le chien fait une belle vie, nous autres, on fait une vie de chien. C'est vrai?